Chapitre 19e. Il ne pouvait pas supporter qu'on ne s'occupât pas toujours de lui avant les autres, monsieur de Mussidan, ni même qu'on vît quelqu'un auprès de lui. Là où il se trouvait, il n'y avait que lui, lui seul. Aussi, quand Angélique se fit affectueuse et prévenante pour ses fils, cela le fâcha-t-il. Il n'eût pas toléré qu'on les reçût mal, mais il ne voulait pas qu'on les reçût trop bien. Il y avait une limite à observer qu'une femme intelligente n'eût pas franchie et dans laquelle elle se fût adroitement enfermée. Mais non, elle se mettait à quatre pas devant eux, elle se faisait leur servante, c'était trop. Lorsqu'il était fâché, il n'avait point l'habitude de le montrer, au moins à propos de ce qu'il avait contrarié ou blessé. C'était incidemment que sa fâcherie se manifestait pour rien et pour tout. Pour une parole qu'elle disait en trop, pour une qu'elle ne disait point quand il l'attendait, pour un grain de poussière, pour une fenêtre fermée, pour une ouverte, et surtout pour une chose en elle, dans sa personne, dans son caractère ou dans sa toilette qui le choquait ce jour-là, et qu'il découvrait tout à coup pour la première fois, bien qu'elle eût le plus souvent toujours existé. « Pourquoi êtes-vous pâle aujourd'hui ? Je ne sais pas. » « On n'est pas pâle sans raison. Pourquoi êtes-vous aussi triste ? Mais je ne suis pas triste. Je ne crois pas l'être. On n'est pas triste sans raison. » Elle aurait pu répondre qu'il y avait une raison générale à sa pâleur et à sa tristesse. Mais à quoi bon ? Ne valait-il pas mieux se taire ? Si elle lui prouvait qu'elle n'était pas plus pâle que de coutume, il le reprocherait d'être rouge. Combien de fois la regardait-il en silence, d'un air mécontent, l'examinant longuement de la tête aux pieds, comme s'il cherchait ce qu'il y avait de mal en elle. Hélas ! Il n'y avait pas besoin de l'étudier si longtemps pour trouver ses défauts. Elle ne le savait que de reste. Mais tristement, elle se demandait s'il ne pourrait pas l'étudier aussi quelquefois pour lui trouver une qualité. N'en avait-elle donc pas ? Quand ce ne serait que la tendresse, le dévouement, n'était-ce donc rien que cela ? Souvent il ne disait rien et se contentait de détourner les yeux avec ennui. Mais quelquefois aussi il parlait. Comme la grossesse change les femmes. Je ne comprends pas qu'il y en ait d'assez héroïque pour accepter d'avoir des enfants. Était-elle vraiment si laide que ça ? C'était ce qu'elle cherchait dans sa glace, peut-être, mais enfin, était-ce à lui de s'en fâcher ? C'était pour elle une période douloureuse que le temps de sa grossesse. Elle éprouvait des malaises qu'elle n'avait jamais connus, et de plus, elle était obligée de prolonger chaque soir son travail d'une heure ou deux pour faire sa layette. Et ces heures supplémentaires, elle ne pouvait les prendre que sur son sommeil, alors qu'elle n'avait jamais eu tant besoin de rester au lit. Ses dépenses avaient augmenté plus que doublé. Ses économies, si péniblement amassées, avaient été dévorées, non seulement par sa nouvelle existence, si différente de l'ancienne, mais encore par les cadeaux qu'elle avait faits à Sébastien et à Frédéric. À l'un, le costume complet pour être chic sur le boulevard, à l'autre, des prêts d'argent sans cesse répétés. Pour suffire aux besoins de chacun, il fallait qu'elle travaillât plus qu'elle n'avait jamais travaillé, et qu'elle se mît à sa table plus tôt le matin pour la quitter le soir plus tard. C'était seulement quand M. de Mussidan était couché qu'elle tirait d'un tiroir à linge une chemise ou un béguin et qu'elle cousait pour son enfant. Cela la réveillait et la délassait. Le courage le revenait, la force la gaieté. Et pendant que son aiguille courait, légère et rapide, elle pensait, laissant son esprit se perdre dans les rêveries et les projets de la maternité qui lui donnaient si bien l'illusion du réel, qu'en mettant quelquefois le béguin sur son poing, elle s'imaginait voir son enfant, sa petite figure bouffie, ses cheveux blonds, comme il serait gentil. Car c'était bien vrai, elle allait avoir un enfant. Elle qui les aimait tant, et qui pendant si longtemps avait cru qu'elle ne serait jamais mère. Les heures s'écoulaient, sans qu'elle en eût conscience, et c'était seulement en entendant minuit sonner qu'elle se reprochait de n'être pas encore couchée. Il faudrait que le lendemain elle fût levée à 6 heures. Et peut-être cela était-il mauvais pour lui qu'elle dormît si peu. Alors elle serrait soigneusement sa layette sans en laisser traîner aucune pièce. Puisqu'il ne lui parlait jamais de leur enfant, elle ne voulait pas en parler elle-même. Venant d'elle, toute parole ressemblerait à un reproche. Cependant, il arriva un moment où il se décida à aborder ce sujet. « Je trouve vraiment étrange, dit-il un soir, que vous ne parliez jamais de votre enfant. Il me semble cependant qu'il serait temps de s'occuper de lui. Je m'en suis occupé. Quand donc, tous les soirs, je travaille à sa layette. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Cela est de peu d'importance, une layette. Avez-vous choisi la nourrice à qui vous le donnerez ? Le donner à une nourrice ? vous ne pensez pas l'élever vous-même, sans doute. » Pour la première fois, elle se permit de penser autrement que lui, et même de dire ce qu'elle pensait. « Au contraire, je le garde. Ici, pourquoi pas ? Eh bien, et moi ? Vous aurez le plaisir de le voir grandir. Nourrice, vous ? Qui vous fait croire que je ne serai pas une bonne nourrice ? Ce n'est pas cela que je veux dire. Alors pour quelle raison ne le garderais-je pas ? Vous m'aviez dit, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu vous dire. Quand on est loin de la réalisation d'un fait, on ne l'envisage pas comme lorsqu'on en est prêt. Comment voulez-vous élever un enfant dans cette chambre ? Mais comme on en élève tant d'autres autour de nous. Cela, des enfants de cette condition, c'est différent, je ne comprends pas. Réfléchissez et vous comprendrez. En tous les cas, vous êtes averti. » Et sur ce mot qui en disait long, il alla se coucher. Cependant, malgré cet avertissement gros de reproches et même de menaces, elle eut le courage de persister dans sa volonté d'élever son enfant. Il y avait en elle une force de résolution qui la surprenait elle-même. Elle avait une autre idée que lui. Elle lui résistait. Et malgré le mécontentement qu'il témoignait, elle s'affermissait dans sa résistance. Ce n'était pas seulement par des regards sévères qui lui montraient son mécontentement, par des paroles désobligeantes, par des silences boudeurs. C'était encore par ses absences qui devenaient de plus en plus longues, à mesure qu'approchait le moment de l'accouchement. Elle ne le voyait plus qu'aux heures des repas. Tout le reste de son temps, il le passait en promenade, et le soir, à son café. Ne serait-il donc pas près d'elle au moment critique ? Elle eût tant voulu la voir là. La main dans la sienne, il la soutiendrait, elle souffrirait moins. Et puis elle pouvait mourir, il aurait son dernier regard. Elle lui présenta timidement cette observation et un mot couvert. « Certainement, dit-il, je vous sacrifierai avec plaisir mes promenades si nécessaires à ma santé et mes distractions du soir non moins indispensables à mon esprit. Car il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour vous. Mais il y a une chose qui m'est impossible, c'est l'attente. Si je restais ici, je m'agacerais. Vous ne voulez pas cela, n'est-ce pas ? Si vous êtes prise le soir, vous m'enverrez chercher. » Ce fut justement un soir qu'elle fut prise. Il n'avait fait qu'une partie de piquet quand le fils du marchand de vin accourut le prévenir à son café. « C'est bien, mon garçon, dis que j'y vais. Mais monsieur, tu diras que je monte derrière toi. Bah, ne t'amuse pas en route. » Il avait gagné. Il dut donner sa revanche à son partenaire à qui il avait raconté pourquoi l'on venait le chercher. Puis après cette partie qu'il perdit, il dut jouer la belle. Quel bonheur que l'émotion du jeu me distrait de mon angoisse. Je vois moins cette pauvre petite femme coupée. Il donna les cartes régulièrement sans que l'angoisse fît trembler sa main. Et ce fut seulement l'émotion du jeu qui scanda sa voix quand il annonça son point. « Cette carte, quintalas, 14 dames. » Le gamin reparut. « C'est bon. » « C'est que ça presse. » Justement parce que cela pressait, il ne se pressa pas. « Je souffrirais trop de l'avoir souffrir. C'est une grande infirmité dans la vie d'avoir trop de sensibilité. » Et une larme mouilla ses cils. Enfin, il quitta le café et lentement il gravit la montée. En arrivant à l'entrée de l'impasse, il aperçut le gamin qui revenait le chercher une troisième fois. « C'est fait. Une fille. » Alors il pressa le pas.